Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. New York n'a qu'à bien se tenir. Grâce à nos savants, c'est un militaire bordure qui parle, le béton, l'acier, tout sera démoli. Les ennemis de la nation bordure seront frappés de terreur devant notre puissance dévastatrice. Fin de citation. Mais heureusement, le capitaine Haddock, grâce au rossignol bilanais, saura jouer les pickpockets pour la bonne cause, puis berner la ZEP, la police secrète bordure. Et tout se terminera bien, par tous les poils de la moustache de Plexiglas. La preuve, par l'écoute des quatre derniers épisodes de l'affaire Tournesol, diffusés pour la première fois sur France 2 Régional, les 20, 22, 25 et 27 avril 1961. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 21e épisode. Le professeur Tournesol a été enlevé par des agents secrets bordure. Tintin et Haddock décident de le délivrer, mais dès leur arrivée en bordurie, nos amis ont été pris en charge par des individus en gabardine bleue ardoise et chapeau vert. Vous savez ce que ça veut dire. Eh bien, nos amis aussi. Et ils ont la conviction maintenant d'être en résidence surveillée. Au moment où ils pensent pouvoir quitter subrepticement l'hôtel Znor, ils voient arriver deux policiers en civil. Demi-tour rapide, et les trois compagnons ouvrent la première porte venue. C'est un cabinet de débarras. L'oreille collée à la porte, ils attendent. Anxieux. Ouf, ils sont passés. Oui, mais vous avez entendu, c'est bien nous qu'ils recherchent. Et toutes les issues sont gardées. Oh, tonnerre de Brest. Attendez, voyons la fenêtre. Oh, nous sommes au quatrième étage, et à moins d'avoir des ailes... Ah ! Je crois que nous sommes sauvés, capitaine. Il y a une sortie de secours. Alors vite, pas une minute à perdre. Il faut filer, sinon nous retombons entre leurs mains. Un escalier extérieur, méfiez-vous, oui. Il est en fer et ça doit résonner terriblement. Venez. Descendez, je vous suis. Oui. Ça y est. Voilà, sortie de service. Doucement, maintenant. Tonnerre, nous sommes coincés. Ah, et deux policiers devant la porte. Comment faire? Attendez, je crois que j'ai une idée. La baladeuse, là, près de la voiture. Lâche la porte. Et maintenant, approchons-nous de la porte. Nous irons le plus près possible. Et puis je lancerai cette ampoule au milieu de la chaussée pour attirer les policiers. Hein? Pendant ce temps-là, nous... Compris, fiston. D'accord. Stop. Attention. Un. Deux. Trois. Voilà! Ils y vont! À nous, vite! Stop! Halt! Nom d'une pipe! Repérez, capitaine! Oh, ils nous poursuivent, ces sauvages! Stop, police, stop! Un feu rouge! On passe! Allez! Ah, il était temps, ça vient de passer au vert. Et les autres sont restés de l'autre côté de la rue. Eh ben, nous ne restons pas là! Allons-y, capitaine! Viens, Milou, viens! Vite! À partir de cet instant, nos amis vont être traqués. Nous essaierons de les rejoindre un peu plus tard. Pour le moment, un autre événement d'importance doit attirer notre attention. Il a lieu dans un des bâtiments du gouvernement où des officiers supérieurs bordure sont réunis. Messieurs, si notre grand état-major est réuni aujourd'hui, c'est pour être informé d'une découverte sensationnel. Après des recherches acharnées, les savants bordures ont réussi à mettre au point une arme qui relèguera bientôt la bombe A et la bombe H au rang de la fronde et de l'arquebuse. Le jour est proche, messieurs, où cette arme donnera à la nation bordure et à son glorieux chef, Plexiglas, la maîtrise absolue du monde. Oh, bravo. Pour vous en convaincre, je vous invite, messieurs, à concentrer toute votre attention sur cet écran. Voici, défiant l'univers du haut de ses gratte-ciels, une gigantesque cité du Nouveau Monde. Cette cité, nous l'avons condamnée à disparaître. Dans quelques instants, elle sera réduite en miettes. Il me suffira de presser sur ce bouton. Voilà. Voyez, ces orgueilleux buildings tremblent sur leur base. Se lézarde, se désagrège, bascule et s'écroule en poussière. Une ville est rayée de la carte du monde. Du calme, messieurs, je vous en prie, du calme et surtout de la patience. La grande cité qui vient de se désintégrer sous vos yeux n'était, en attendant mieux, relevez l'écran s'il vous plaît, merci, n'était que cette maquette de verre et de porcelaine. Oui, bien sûr, je vois une vive déception se peindre sur vos visages. Vous regrettez de n'avoir pas assisté à la destruction réelle d'une vraie ville. Confiance, messieurs, cette cité miniature a été pulvérisée à distance par l'appareil que voici. C'est un appareil à ultrasons. Pour l'instant, il ne peut agir que sur le verre et la porcelaine, mais dans un avenir proche, nous serons capables de détruire aussi à grande distance la brique, le béton, l'acier. Les plans de cette arme prodigieuse existent. C'est tout ce que je puis vous dire pour le moment. Mon colonel, on vous demande de les vendre. Bien, j'arrive. Quand notre heure sonnera, alors les ennemis de la nation bordure seront frappés de terreur devant notre puissance dévastatrice. Bravo, bravo, bravo. Allô, ici le colonel Spons. Ah, c'est vous, Laszlo. Comment? Ils se sont déclipsés par les moustaches de plexiglas? Ça n'est pas possible! Quoi? On a perdu leurs traces dans les environs de l'opéra. Alors, le quartier est cerné. Parfait, parfait. Dès que j'aurai fini ici, je ferai un saut jusqu'à l'opéra pour me rendre compte des mesures prises. Et par la même occasion, j'irai écouter la Castafiore. Amai! Eh bien, qui aurait cru ça? Nos amis, pour passer plus sûrement inaperçus, ont cherché refuge en plein opéra. Le capitaine en a d'ailleurs profité pour faire un petit somme. Seulement maintenant, la représentation est terminée, il va falloir partir. Tintin et Haddock se mêlent à la foule des grandes premières. Tout à coup, à quelques mètres, un groupe d'officiers apparaît. Oh, regardez! C'est le colonel Spoons, le chef de la police! En effet, mais vous savez qu'il est très amateur d'opéra. Beaucoup d'allure, en grand uniforme et avec son monocle. Oui, mais ce crâne rasé... Chut, si on vous entendait... Vous avez compris, capitaine? Spoons, l'homme dont dépend le sort du tournesol. Mais le tonnerre de Brest. Eh bien! S'il se doutait que lui et ses sbires sont passés à deux pas de nous... Oui, mais je n'ai pas envie de moisir ici, moi. Ouais, mêlons-nous à la foule. Oh, quelle idée vous avez eue de venir ici. C'était de la folie. Attention, rien à faire des gendarmes à la sortie. Oh, remontons par les coulisses, peut-être que nous pourrons... Vite. Venez, vite. Oh, mais qu'est-ce que je vous disais, mille sabots. Tintin et Haddock remontent à contre-courant en essayant de ne pas trop se faire remarquer. Les voilà enfin dans les coulisses. Des chanteurs et des figurants en costume les croisent. Ils cherchent une issue, un moyen de sortir de cette souricière. C'est alors qu'une voix les arrête net. Moi, je ne me trompe pas! C'est Tintin! Bonjour, monsieur. De vous revoir ici. Madame, je suis... Enfin, nous sommes... Petit flatteur. Vous êtes venu me féliciter. De même, mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, les pêcheurs, là, oui, oui. Ah, monsieur. Oh, d'accord. Non, Haddock. Tenez, entrez dans ma loge. C'est-à-dire, madame, que nous... Si, entrez dans ma loge. admirateurs dans les couloirs, et vous pensez bien. Vous avez entendu, hein? Quel succès, hein? C'était du délire, hein? Sur douleur des bijoux. Ah, chérie! Oh, n'est-ce pas, messieurs Paddock? Haddock, madame. Oh, pour une lettre. Encore, on ne me laissez pas un instant de répit, enfin. Entrez. Ah, signore, signore, c'est le colonel Spence, chef de la police, qui désire vous présenter ses hommages. Ma commando, faites-les entrer, ma fille. Tonnerre. Un instant, madame, un instant. Ce colonel, écoutez-moi, je vous expliquerai plus tard, mais il ne faut à aucun prix qu'il nous trouve ici, c'est très important. Mon Dieu, ma que faire? Une seconde, Irma. Vite, vite, cassez-vous derrière ces rideaux, dans cette épanderie. Merci, madame, merci beaucoup. Venez, voilà. Faites entrer le colonel Irma. Bien, madame. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Caroline Claire, Bianca Castafiore, Henri Poirier, le colonel Spons, et les voix de Jean-Paul Lituac, Michel Puterflam, Georges Aubert, Charlotte Clasis et Edith Loria, avec Milou. Prise de son Jean Jusforc, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 22e épisode. Tintin, Haddock et Milou sont venus en bordurie pour tenter de délivrer leur vieil ami, le professeur Tournesol. Malheureusement, les bordures tiennent beaucoup au savant. En effet, celui-ci a fait une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons, et la bordurie, qui rêve de dominer le monde, voudrait lui arracher son secret. Malheureusement, nos amis ont été vite repérés, et plusieurs fois déjà, on a attenté à leur jour. Pour l'instant, non seulement ils ne peuvent suivre la piste de Tournesol, mais encore ils ne doivent penser qu'à leur propre sécurité, car la police bordure est sur leurs talons. À l'opéra de Zoode, capitale de la bordurie, ils ont, à l'issue d'une représentation, rencontré le rossignol milanais, Madame Bianca Castafiore, qui les emmène dans sa loge. L'opéra étant cerné par la police, cette invitation pourrait paraître providentielle. Mais, quelques instants après leur entrée dans la loge, quelqu'un frappe. C'est le redoutable colonel Spons, grand chef de la police bordure. Tintin, Haddock et Milou n'ont que le temps de disparaître derrière le rideau d'une penderie. Mesdames, c'est pour moi un grand honneur de me trouver en présence de la célèbre cantatrice qui, enfin... Oui. Ah, vraiment, vous me faites rougir. Maman, asseyez-vous donc, et je vous en prie, là. Vous êtes trop aimable, hein? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mille tonnerres, il s'est assis sur ma casquette. C'est la casquette du ténor, c'est ça, qui joue dans Madame Butterfly. Il l'a oublié hier. Mais enlevez votre manteau, colonel. Bien volontiers, madame. Irma! Madame? Je vous prie, débarrassez le colonel de son manteau. Voilà, madame. Alors, colonel... Dites-moi ce que vous pensez de la représentation. Oh, mesdames, vous avez été sublime, unique, divine. Flatteur. Irma, les manteaux du colonel dans la penderie. Bien, madame. Allez. Et maintenant, vous pouvez apporter mon champagne, Irma. Tout de suite, madame. Vous aimez les champagnes, colonel? Oh, je ne voudrais pas que... Ah, c'est une vieille habitude. Après chaque représentation, je bois les champagnes. Alors... Vous en prendrez bien une coupe avec moi? Je crains d'abuser, madame. Tout. Tenez, rendez-vous utile, hein? Vous la déboussez, la bouteille. Mais commandons, mesdames. Vos désirs sont des ordres. Ma quelle galanterie, hein? Et pendant que vous vous attaquez au bousson, dites-moi comment vous m'avez trouvé dans le duo du troisième acte. Le troisième acte. Oui, le troisième acte, c'est ça. Ah, oh, madame, ça a été pour moi des grands moments de l'art lyrique. Jamais je... Je n'avais... C'est bouchon et récalcitrant. Hein. Ma prenez garde, colonel, qu'il n'est pas tout d'un coup. Allez, qu'est-ce que c'est, ça? Entrez! Eh bien, que voulez-vous, tous les deux? Pardon, mon colonel, mais nous avons l'ordre de fouiller l'opéra des Fontaines-Combles, rapport aux deux étrangers qui... Et après? Vous imaginez sans doute que vous allez les trouver dans la loge de Madame Castafiore? Espèce d'andouille! Allez, host! Demi-tour! Ah là là, mon Dieu! Out! Allez, que ça saute! À vos ordres, mon colonel! Comme c'est un mot, ça! Aïe! Ouïe! Aïe, voyez, je vous le disais bien qu'il fallait les surveiller, ces boussons. Allez, va, mon pauvre colonel. Yacundo mi mal, hein, il aurait pu vous briser votre monocle. Ah oui, c'est... Voyez, excusez ces brutes, madame. Il recherche deux espions et... Moi, ça n'y fait rien, au contraire. Moi, j'adore les histoires d'espionnage. À votre santé. À votre santé, mesdames. Et maintenant, racontez-moi cette histoire. Eh bien, figurez-vous que nos services secrets ont réussi à... à, disons, inviter en Bordourie un savant étranger, auteur d'une découverte sensationnelle. Il s'agit d'une arme qui, une fois mise au point, nous donnera la suprématie mondiale. Mais c'est magnifique, ça, hein? Certes. Mais cette mise au point dépend du savant étranger lui-même. Et jusqu'ici, il refuse de nous livrer les plans définitifs. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que sa découverte soit utilisée à des fins destructrices. Je vous demande un peu. Et ces savants sont tous plus ou moins dans la lune. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais pour l'instant, il est sur Terre. Et au secret, à la forteresse de Bakin. Vous dites Bakin? Bakin, à une cinquantaine de kilomètres de Sorod. Et par les moustaches de plexiglas, il y restera aussi longtemps que durera son entêtement stupide. Il finira bien par céder. Je l'espère pour lui. En tout cas, j'ai là dans mon manteau son ordre de libération. Signé. Demain, il devra choisir ou bien il nous donne ses plans, ou bien jamais personne n'entendra plus parler de lui. Et s'il vous remet ses plans, colonel, mais qu'est rentré dans son pays, il raconte comment il a dû céder par la force. J'ai prévu cela. Ah, aussi. Si le savant est libéré, il le sera en présence de deux délégués de la Croix-Rouge internationale. Et devant eux, il devra déclarer que c'est de son plein gré qu'il est venu en Bordurie nous offrir ses plans. Et les ébassés de ces messieurs sont également là, dans mon manteau. Oh, c'est astuce, c'est colonel, c'est splendide, c'est génial, c'est. C'est mon métier. Mon Dieu, c'est papier à portée de la main, capitaine. C'est une chance inespérée. Ah, bah, c'est bien la première fois de ma vie que je jouerai le pickpocket, mais c'est pour la bonne cause. Ma femme réunit ce soir quelques amis chez nous. Accepteriez-vous de nous faire l'honneur de... Nous aimerions tant vous entendre encore. Oh, ma volontiers. Ah, merci, chère mesdames. Irma! Madame? Le manteau du colonel et les miens. Bien, madame. Le lendemain matin, nous sommes à la forteresse de Bakin, dans le bureau de son gouverneur, le major Kardouk, militaire sévère. Deux visiteurs viennent, au nom de la Croix-Rouge internationale, chercher le professeur Tournesol. L'un de taille moyenne, cheveux noirs, grosses moustaches, bésicles, col en celluloïde et cravate verte. L'autre plus grand, plus âgé aussi. longue barbe et cheveux gris, grosses lunettes à monture d'écaille. Ces deux visiteurs paraissent nerveux et triturent leur chapeau entre leurs doigts. Ah, ainsi, c'est le colonel Spence qui vous envoie prendre en charge le professeur. Exactement, Mr. Major. Vos papiers me paraissent en règle et l'ordre de libération également. Cependant, deux précautions valent mieux que d'une. Et je tiens à m'assurer que tout est en ordre. Et vous permettez. Mais s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Faites. Allô? Les ZEP? ZEP, oui. La ZEP, c'est, vous le savez, la police secrète bordure. Est-ce que le major Cardouk aurait des soupçons? Pourquoi prend-il tant de précautions avec des délégués de la Croix-Rouge internationale? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Caroline Claire, Bianca Castiafiore, Henri Poirier, le colonel Sponce, Henri Virlogeux, le major Cardouk, avec les voix de Jean-Paul Lituac, Michel Puterflamme, Georges Aubert et Charlotte Clasis, avec Milou. Dangereux! Prise de son, Jean-Jus Forgue, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 23e épisode. Tintin et Haddock, déguisés comme l'on sait, se présentent à la forteresse de Bakin pour délivrer Tournesol. Ils se disent délégués de la Croix-Rouge internationale et pensent ainsi avoir un sésame infaillible. Malheureusement, l'officier qui les reçoit, le major Cardouk, appartient à l'espèce soupçonneuse. Et nos deux amis ont des sueurs froides en le voyant décrocher le téléphone. Allô, les CEP? CEP, oui, ici la forteresse de Bakin. Le major Cardouk à l'appareil. Voulez-vous me passer la colonel Sponce, le blanc? Le colonel n'est pas encore là. Son secrétaire à l'appareil. Parfait. Vous allez pouvoir me renseigner. Deux délégués de la Croix-Rouge internationale sont dans mon bureau. N'est-ce pas? Je les laissais passer sous les yeux. Et aucune crainte à avoir, mon major. C'est moi qui les ai remplis. Oui. Ainsi que l'ordre de libération. Ces trois pièces ont été signées par le colonel hier matin. Très bien, merci. C'est tout ce que je voulais de savoir. Amaï. Amaï, mon major. Voilà. Eh bien, monsieur, tout est parfaitement dans l'ordre. Je vais faire appeler la professeure de Tournesol. Oh, thank you very much, major. Bref. Ici, à Bakin, tout a l'air de marcher comme sur des roulettes. Retournons donc à Zod, dans le bureau du colonel Sponce. Nous y pénétrons en même temps que lui. Ah, Zerie, de me voir si belle en ce miroir. Ah, Zerie, de me voir si belle en ce miroir. Amai, mon colonel. Amai, Kavitch. Quelle nouvelle? Les deux comparses de Tournesol. Toujours rien, mon colonel. Pas le moindre indice. Ennuyeux, ça. Très ennuyeux. Je me demande où ces deux gaillards ont pu trouver refuge. Et à part ça, rien d'autre. Si, mon colonel. Un coup de téléphone du major Cardouk. Ah. Il désirait savoir si l'ordre de libération que vous avez signé en faveur du professeur Tournesol était bien en règle. Par les moustaches de plexiglas? Quand un document porte ma signature, il est en règle, non? Mais bien sûr, mon colonel, c'est ce que je lui ai répondu. Vous avez bien dit l'ordre de libération de Tournesol? Mais oui, mon colonel. Mais que cherchez-vous dans vos poches, mon colonel? Trahison! On m'a volé les papiers, sabotage! Mais mon colonel, j'ai... Allô? Allô, Cardouk? Par les moustaches de plexiglas, vous en faites de belles. Les délégués de la Croix-Rouge sont des espions. Vous entendez, Cardouk? Des espions. Il faut les arrêter immédiatement. Quoi? Leur voiture vient de sortir de la forteresse? Ou par tous les poils de la moustache de plexiglas, qu'on les rattrape? Vous pouvez passer par les armes! Par les armes! Cette fois, messieurs, à nous la manche! Mais oui, mon vieux Trifon, c'est moi, Haddock. Et ce bonhomme à cheveux noirs et lunettes au volant, c'est Tintin, qui nous conduit vers la liberté. Ah, mais moi, je n'en reviens pas. Oh, oh, par exemple. Mais jamais je vous aurais reconnu. Je peux vous assurer que nous avons soigné le déguisement et ça a marché, vous voyez. Le plus tordant, c'est que le colonel Spence lui-même nous a fourni le moyen de vous faire évader. Magnifique, hein? Formidable. Et le hasard a voulu que ça se passe à l'opéra où en 5 sacs, nous avons trouvé tout ce qu'il fallait pour nous déguiser. Bravo. Mais dites, où est mon parapluie? Ouais, ne crions pas victoire trop vite, hein. Il faut 2 heures en voiture pour atteindre la frontière. Et si jamais le poteau rose est découvert avant que nous l'ayons franchi... Je vous dis que c'est comme si c'était fait. Tonnerre de Brest, on nous tire dessus. Sapristi, 2 motards derrière nous. Aïe, je le craignais, ça. Saperlipopette. Mais c'est qui vous met avec ces engins? Une canne du terrain, oui. Mais appuyez, tonnerre, mais j'ai le pied au plancher, capitaine, je ne peux rien faire de plus. De toute façon, l'alerte étant donnée, vous pensez bien qu'ils vont établir des barrages. Mais ils savent se donner tant de mal pour retomber entre leurs pattes. Oh, c'est excitant, cette poursuite, oh là là! Mais on se croirait au cinéma! Capitaine, j'ai une idée. Oui, dites vite. Détachez la capote à l'arrière. Quand ce sera fait, je la détacherai devant. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez voir. Alors, ça y est? Plus que 2 pressions. Là, voilà. Parfait. Alors, regardez bien. Je la détache devant moi. Dépêchez-vous, tonnerre, les autres approchent. Non, je l'espère bien, maintenant. Vous l'espérez bien? Non, mais dites Tintin, vous... Allez, attention. Hop, lâchez tout. Hop. Oh, la capote qui s'envole. Et regardez derrière, maintenant, capitaine. Ah, ah, tonnerre. La capote en plein sur les motards. Ils quittent la route. Les voilà 4 fers en l'air dans les pâquerettes. Bravo, Tintin. Ouais. Vous savez, je ne pensais pas aussi bien réussir. Dites, capitaine, je vous parlais de mon parapluie. Mais qu'est-ce qu'il y a, Trifon, avec son parapluie? C'est une vieille chose et il y tient beaucoup. Aïe! Devant nous dans le virage! Cette fois, fiston! Ouh là là, un char, mais nous n'avons qu'une chance! Freinez tout de suite, mille chabots! Mais ça dérape, capitaine! Redressez! Je ne peux pas! Qu'est-ce qu'ils ont fait comme capriole, les gars? Vite, descendons. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin de se presser. Ouïe, il se cache, il regarde. Oh là là là, tas de ferraille. Eh ben, s'ils sont là-dessous, il doit pas en rester grand-chose. Aide-moi quand même. On va regarder. Hey, d'accord. Oh, oh, par les moustaches de plexiglas, le char, il fait demi-tour. Oh, ils nous ont eu. Vite, il faut donner l'alerte. Hein? Ils en seront quittes pour rentrer à pied. Une chance que nous ayons été projetés hors de la voiture, sans ça. Ah oui, alors. Comment va le professeur? Groggy, mais rien de grave. Sapristi, un barrage! Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tant pis, je fonce. Cramponnez-vous, hein! Allô? Allô? Qu'est-ce que vous dites? Un char? Ils ont pris un char! Qu'on le fasse sauter! Qu'on le pilonne, qu'on le pulvérise, qu'on l'anéantisse. Compris? Qu'on le pulvérise! Laissez-le approcher. À 50 mètres, à mon commandement, vous tirez. Compris? Compris, mon adjudant. Avec un obus explosif, ça va faire des dégâts. Attention, on ne peut pas rater. Encore un peu. Feu! Aïe, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je te t'ai toujours dit que ce modèle de canon n'était pas au point. Et le char qui s'en va. Oh, regarde, l'adjudant à quatre pattes de l'autre côté de la route. Il broute. Non, il est en train de peindre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hein, je peux vous assurer que j'ai eu peur, capitaine. Se trouver nez à nez avec ce canon anti-char... Il a explosé. Ce n'est plus qu'un tas de ferraille, lui aussi. L'un des servants est suspendu à une branche et gesticule pour que son camarade l'aide à descendre. Hourra ! Tournesol revient à lui. Eh bien, Trifon, comment ça va ? C'est moi, vieille branche, Haddock. Nous sommes sauvés. Et mon parapluie ? Votre parapluie, mais mille sabords, c'est bien le moment de s'inquiéter d'un parapluie. Ah, mais vous ne l'avez pas perdu tout de même, hein ? Eh bien, si, on l'a perdu, votre riflard, à Genève, si vous voulez le savoir. Ah, bon, parce que je craignais que vous me l'eussiez perdu. Parce que, voyez-vous, j'y ai caché mes plans. Vos plans ? Non, non, pas des dents, non. Les plans définitifs d'un appareil ultrason. Tonnerre de Brest. Puis des plans sur microfilm que j'avais dissimulés dans le manche de mon parapluie. Là, vous vous rendez compte, hein ? Si vous l'aviez perdu... Oh, mille millions de mille milliards de tonnerres de Brest. Capitaine ! Oui ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là sur la route ? Ces espèces de grosses galettes grises. Des mines ! Hein ? Non, trop tard, impossible de s'arrêter. Il y en a sur toute la largeur de la route. Nous allons sauter, capitaine. Finir comme ça, mais c'est affreux. Faites quelque chose, tonnerre. Faites quelque chose. Ah, impossible. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Henri Poirier, le colonel Spons, et les voix de Jacques Aveline, Jacques Degore, Robert Porte, Pierre Garin, Michel Puterflam, avec Milou. Prise de son Jean Jusforc, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 24e et dernier épisode. Tintin, Milou et Haddock ont réussi à arracher leur ami Tournesol de la forteresse de Bakin, où les bordures le détenaient en espérant lui faire avouer le secret de sa découverte sur les ultrasons. Malheureusement, l'alerte a été promptement donnée et des barrages ont été mis en place sur la route empruntée par nos amis et qui devrait être celle de la liberté. 1, 2, 3 barrages sont franchis sans trop de peine et le char d'assaut dont les fugitifs ont pris possession fonce vers la frontière borduro-sildave. Tout à coup, horreur, Tintin aperçoit à quelques mètres devant les chenilles un champ de mines. Et il est trop tard pour arrêter l'énorme engin blindé. Stop ! Arrêtez, tonnerre, on va sauter ! Oh ! Encore un miracle, nous sommes passés. Qu'est-ce que vous racontez des mines ? Vous avez voulu nous faire marcher ? Non, c'était bel et bien des mines, capitaine, et nous avons dû en écraser 4 ou 5. Sans sauter, ça, je n'en reviens pas. Dites-donc, à propos de sauter... Qu'est-ce que c'est que ces espèces de gros sucres d'orge rouge avec une mèche au bout ? J'espère qu'ils sont inoffensifs. Il y en a toute une caisse à mes pieds. Pour voir ? Oh, rassurez-vous, ce sont des pétards d'exercice. Oh ! On dirait un pétard ! Comme c'est drôle ! Mais c'est un pétard, Trifon. Quand on y met le feu, ça éclate en faisant un boucan de tous les diables. Hé, hey, regardez ! Le panneau qui annonce la frontière. Hourra ! Nous sommes sauvés ! Bravo ! Ah, malheur ! Un barrage entre les bâtiments de la douane bordure. Des camions et des charrettes. Mais le sabord, c'est près du but. Cette fois, nous sommes coincés. Avancez toujours, il faut voir ça de plus près. Oui. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le barrage devant, des défenses anti-chars sur les côtés, mais c'est insurmontable, ça. Alors que faire ? Je ne vois qu'un seul point faible. Le bureau de douane lui-même. Allons-y. Tenez-vous bien, les murs sont peut-être très solides. Je fonce ! Sauvé, Trifon, nous sommes sauvés. Oh, mes amis, quel choc, hein. Tu parles, nous avons traversé le bâtiment de la douane de part en part. Ah, ça perd les popettes. Pour fêter ça, une bonne pipe. Ah, la première que je fumerai en paix depuis notre départ. Et voilà l'autre poste frontière. Il ne peut plus rien nous arriver maintenant. Bravo! De mon allumette. J'avais compris, capitaine. Oh, excusez-moi, je ne pensais plus à ces maudits pétards d'exercice. Oh là là. Oh, mille sabords, nous sommes frais. Eh, encore heureux que nous ayons pu émerger de la tourelle. Avec cette fumée, il y avait de quoi mourir asphyxié. Oh, regardez là-bas. Ah, ce sont des douaniers Sildave. Cette fois, tout va bien. En entendant cette explosion, on pouvait craindre le pire. Mais ces pétards ne sont pas dangereux, et si toutes les armées du monde ne possédaient que ce genre d'explosifs, l'avenir ne nous ferait plus de grimaces. Mais revenons à nos amis. Deux jours après cet incident, nous les retrouvons tous, à Genève, au bureau des objets perdus, rayon parapluie. Un parapluie, dites-vous ? Et quel genre de parapluie? Mais je pense bien que ça m'en est. C'était un objet précieux pour moi et... Oh, Milou, veux-tu descendre? Veux-tu laisser tout ça, voyons? Oh, mon Dieu! Milou! Il va tout saccager! Eh bien, quoi, il cherche le parapluie de Tryphon. Tenez, il l'a trouvé. Oh, Milou, mon chien. Oh, c'est ce parapluie noir? Oui, c'est celui-là. Oh, excusez-nous pour le désordre. Ce n'est rien. Veuillez signer ici. Voilà, monsieur. Pardon encore. Mon parapluie, mon cher petit parapluie, je te retrouve enfin. Eh bien, puisque vous avez récupéré votre bien, en route. Ah, maintenant, regardez, regardez. Je saisis le manche, je le dévisse, voilà, et le coucou, qu'est-ce qui apparaît? Voyons. Chauperie, poupette, mes plans, ils ont disparu. Ça alors? Ah, mais je suis pourtant certain que... C'est inouï, ça. Inouï tant que vous voudrez, mais moi, j'en ai plein d'eau. On vous a retrouvé, vous, vos plans, eux, qui se dérouillent. Moi, je veux rentrer à la maison et avoir la paix. La paix, enfin. Oui, oui, vous avez raison, capitaine, allons-nous-en. Mais moi aussi, j'aimerais bien savoir ce que sont devenus ces plans. On y réfléchira. Pour l'instant, cap sur Moulinsart. Deux jours plus tard, au milieu de l'après-midi, nos amis arrivent au château. L'allée d'honneur, l'escalier de pierre, le perron. Haddock ne se tient plus de joie. Derrière lui, Tournesol, Tintin et Milou, évidemment. Oh, eh bien, ça fait plaisir de se retrouver chez soi. Eh, attention, capitaine! Oh, galère, mais qu'est-ce que c'est que ce ballon? Oh, oh! Eh, attention à vos pieds, mon capitaine! Oh, attendez, je vais vous aider à vous relever. Vous avez mis le pied sur un jouet à roulette. Oh, mais tonnerre de Brest, qu'est-ce que ça veut dire? Papa, papa, il y a un gros barbu qui casse tous mes jouets. Papa, papa. Oh, ça alors. Oh, par exemple, Haddock. Eh ben, tu tombes à pic, vieille noire. Nous parlions justement de toi. Il y a barbu. Oh, mille millions de mille sabords. Lampion. Mais qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Moi? Bah, mon pote, tu comprends, il faisait beau temps, alors. Tiens, mais entre donc, vieille branche, fais comme chez toi. Oh, tonnerre de branche, je ne sais pas ce qui me retient. Oh, capitaine, oh. Je vous en prie, capitaine. Il faisait beau temps, tu comprends, alors je me suis dit, Séraphin, faut profiter des dernières journées de vacances. Comme ta bigote était vide, bah, je suis venu y penser quelques jours. Tiens, après toi. Tiens, voilà ma petite famille. Voici belle maman, mon épouse et mes sept enfants. Le petit dernier dans son landau, là. Oui, c'est lui qui branle. Tiens, voilà ma fille aînée. Une studieuse, hein. Le cadet. Alors, le cadet, c'est celui qui joue aux fléchettes, là-bas. Et à côté de moi, Alfred, qui t'a accueilli tout à l'heure. Ma petite Germaine, 6 ans. Dis bonjour au monsieur Germaine. Alors, vas-tu dire bonjour? Eh ben non, elle veut pas. Enfin, voilà les deux jumeaux. Le plus remuant des deux, c'est celui qui est à cheval sur le dos de Nestor, là. Nestor, qu'est-ce que vous fabriquez à quatre pattes? Avec des plumes d'indien sur la tête. Oh, c'est trop. C'est trop. Mon beau salon. Et ce linge pendu à une ficelle. Bah, tu comprends, avec les gosses, il y a toujours des petites lessives. Oh, oh, ça ici. Oh, c'est extraordinaire. C'est Tournesol. Il était monté directement dans sa chambre. Voilà. Les microfilms. Les microfilms. Eh bien, les microfilms. Je les ai retrouvés. Je les avais oubliés sur ma table de nuit, hein, croyez-vous, hein. Sacré Tryphon. Comme ça, vous voilà tranquille. Les bordures seront de l'armée. Fini, rien à faire. Mais il n'y a pas que les bordures pour les utiliser à des fins guerrières aussi. Il faut les détruire. Attendez, attendez. Ne soufflez pas votre allumette, capitaine. Je vais les brûler. Il faut faire ce sacrifice maintenant. Ouh, ma barbe, au feu. Au pardon. Au pardon. Oh, oh, oh, oh. Oh, mais tonnerre de sa mère de Brest, vous avez tous juré de me rendre fou. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de vous chasser tous à coups de carabine. Mais quoi, l'escarlatine, à votre âge? Mais c'est très sérieux, ça. Dites donc, mon cher, là, tous vos machins, trucs de laboratoire, c'est assuré, ce bazar-là? Mais ça va pas mal, merci, mais ce pauvre capitaine m'inquiète, il a l'escarlatine. Ah, pauvre. L'escarlatine. L'escarlatine, oui. À son âge. Oh, c'est irrésistible. Mais c'est très sérieux. Ah, sacré Haddock, il nous fera toujours rire. Mais dites donc, mais c'est contagieux, la scarlatine! Hé, hey, papane, belle-maman, on plie bagage, allez vite! Il y a la scarlatine dans la maison, là! Allez, on s'en va! Il dégage tout de suite! Alfred! Alfred, veux-tu venir ici? Germaine! Germaine, je vais te prendre la scarlatine! Allez, on s'en va! Il ne faut pas 10 minutes à l'inénarrable famille Lampion pour vider les lieux. Le calme revient enfin à Moulinsart et tout le monde s'en réjouit. Sur le perron, deux anciens ennemis assistent à la débandade. Milou et le chat siamois du capitaine. Pour une fois, ils sont d'accord. Parti. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilho, Tournesol, Jacques Muller, Séraphin Lampion, Lionel Bellac, l'homme des objets perdus, et la voix de Michel Emery, avec Milou. Fini, bravo. Prise de son, Jean Jusforg, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Eh bien, bonsoir à tous les jeunes amis de Tintin. Ce soir, il nous reste très peu de temps et notre courrier sera très bref. Un mot pour demander à Philippe Barbeau de ne pas se décourager. Il ne faut jamais se décourager, tout arrive. Tu le vois bien aujourd'hui, Philippe. Non, tu n'es pas en retard pour le dessin. Ta demande est inscrite. Et patience pour le résultat du Yeti. Amitié à toute la famille, Philippe. Et des tas de choses de toute l'équipe à tous les amis de Tintin. À très bientôt tous, l'heure est venue. Bonsoir. Bonsoir. Ces épisodes de l'affaire Tournesol, les 20e, 22e, 23e et 24e, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale les 20, 22, 25 et 27 avril 1961. Vous pourrez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ainsi que tous les épisodes de la série.